Métro, c'est trop. En voiture, s'il vous plaît. Métro, c'est trop. Métro. Je suis nul. Avec le temps, tout s'efface. La vie des filles, c'est efficace. Attends, mais on va faire une improvisation parce qu'après, je suis fatigué sur. Avec le temps, tout s'efface. C'est efficace. On file, on dévisage. Liberté, c'est des carcasses. Les menteurs jusqu'au bout, salauds, les héros, et ça y est. lecture, les nouveaux esprits, nouvel ordre mondial, la nouvelle terrible. Avec le temps, tout s'efface, les amis, les ennemis, les regards. Les humeurs, les honneurs, les cauchemars, les idées, les mots, les cris, la mémoire. La mémoire collective, les bourreaux, les cerveaux, la mise en colline, la campagne. La campagne qui gagne, la campagne qui gagne. Le temps efface tout, c'est dégueulasse. Le temps efface tout. Ça, je la refaire. Je la refais, attends. Un texte de poste. Attends. J'ai copié le texte. Bouge pas, je copie le texte. Ouais, je copie juste le texte. Là, c'est bon, je l'ai. Je pars quand je veux. La misère qui compagne, la campagne qui gagne, J'ai trop mal.